l'exhaleur, glorious bastard. Root score. Plus je subis cette vie, tiens, et plus je comprends ma mère. Je reviens une plume à la main et plus de plomb dans la tête. Mes bastards dans le réacteur, boost, augmente les masters. Master, je kick, je pick up ma racaille dans vos blasters. Force est de croire qu'on peut faire de son tape peine un atout. Même à bout, dédicace aux jeunes pères comme à bout. Frère, la douille est inévitable comme la douane volant. En hommage à Sarkozy, ta loi, on la doit violent. Bilan, on en a griffonné des pages et des pages. Pilon après pilon, j'écris même si depuis le départ j'ai des pannes. Fils en vie, on meurt au péril glacé. Pour l'honneur, pour la 8, pour les personnes 8, leur est dédicacé. Je rends hommage, je laisse des traces terribles. Sur le tard, marque mes grosses marques, je pose pas, j'écrase les rimes. Trinque à la santé des pages, des salles ouvertes à la centaine. Santé à mes pages, j'ai salou. Le métier crisp, Axel Diaz, maison debout. Des diaz qui se lèvent et tiennent la maison debout. Qui se passe 13 ans de plus, de Merry Christmas. Je kick ça, les ondes de plus, mais les cris meurent. Quoi que demain ramène, on profite pas en enfer. Pas de quoi que demain amène, c'est profil pas en affaire. Aucun ne vivra vieux, demain sous de grâce rentre. Demain tout ira mieux, mais je coince sous les cas. Même quand on te fait snobber par des gens à qui on filait des coups de pouce. Je te présente, mais MC, il est des coupes douces. Un coup de pied dans la fourmilière, en un défaut que tout part en fumée dans la poudrière. Plusieurs cordes à mon arc, ça reste en temps, tant que la poudrière. Ils étaient dans le rap depuis 15 ans, vous les découvriez. Pour tous ceux qui sont dans mon cœur, ceux qui l'ont abîmé. Je vous aime tous, si demain je meurs dans rhume carabinée. Je pas de mourir, je m'élance les frères, je prends le taureau par les cornes. J'ose parler fort pour les miens, et le mic pour X raisons. Je préfère fumer les feuilles, les plumes et faire de la prod, les stars. Tracer, vraiment oublier cet homme qui m'a donné ce plat. J'éterre la hache de guerre, j'tâche de faire de mon mieux. J'passe mes nerfs sur chacun de mes textes, appris grâce aux pêches de mon vieux. Outscore, ça part de là, mes souvenirs sur l'attelage. Une dédicace pour vous, et pour les hommes, une lame sous le matelas. C'est pour les gens qu'on aime qui tiennent toujours malgré les coups. Les gouttes et dans l'ombre et qui frettent tout pour palper des sous. Hommage aux frères, partis depuis les bancs de collège. Les années passent et on voit qu'on n'est pas si différents que nos pères. Passionnel, on fera tout pour la chanson. On bichonne chaque phrase, même si les gens font pas toujours attention. Juste un geste de noblesse, fidèle à nous-mêmes. Oui, c'est l'amour vrai, et on te le jure sur la tête de nos ailes. Je rends hommage à ceux avec qui on a voulu soulever le monde. Grand hommage pour ceux qui ont voulu nous souffler le gong. À mon frère d'armes dans le courage, dans la résistance. Soumis aux déchirures, malgré tout dans la persistance. À celle qui m'a épaulé dans les moments décisifs. À mes parents qui ont tenté de me donner le bon descriptif. Jusqu'à donner ma vie pour le futur qu'elle porte en elle. Juste pour vous démontrer qu'unis on a du potentiel. Je suis sur place depuis qu'on m'a barré la route. C'est sur le taf de nuit qu'on va gagner la croûte. Dialogue de sourds, sans trop lâcher des tadas. Quel son de Kitama. J'arrose le coup pour rendre hommage à mes bâtards. Avec l'orage, l'air d'une plume délicate. Au crépuscule, mais un hommage c'est plus qu'une dédicace. À ceux qui souviennent d'un centième. Rendre hommage aux gens qui m'aiment, à ceux qui me soutiennent quand je prends le mic. Chaka la kabouyaka, bienvenue dans mon trois-ras. Ça c'est l'endroit où tout va mal, où y'a pas de jeu place. Sous la crasse, voilà, on vous fracasse. Au microphone, on fout la rage. Il t'a suivi ma bonne étoile. Je tape le rire au hamage. Ou à my swift gun. Chacun pour soi, pour la maille. La police n'est qu'une putana. Alors j'esquive la fouille anale. Hommage à mes prédécesseurs. Les sons sont tous valables. Mon flow, tu peux le pomper. Mais mon vécu n'en est pas toujours à part. J'ai des plumes dans la tête. Des couplets qui baissent des tonnes. Mon cœur et pour les nôtres. Autant que la foi fait les hommes. À ceux qui savent que la vie ne s'apprend pas sur ces dérômes. Quand y'en a trop qui croient que le but est de buter les autres. Du plat pays à la Suisse en passant par l'hexagone, l'avenir se forge, l'union fait la force de cet album. C'est pour mes frères de la fine équipe Momo et Billy Bang. Grand hommage aux activistes et aux piliers du hip-hop.